Vous écoutez France Culture, 20h30. Tout de suite, le feuilleton. La guerre dans la peau. Texte choisi par Michel Pomarède. Extrait de Yellow Birds de Kevin Powers et de Fin de mission de Phil Clay. En direct du studio 110 de la Maison de la Radio. Deuxième épisode. La guerre, c'est celle que les Américains ont menée en Irak entre 2003 et 2011. La peau, c'est celle des combattants qui transpirent les combats, les explosions, la mort des insurgés et celle des compagnons d'armes. Mais aussi l'attente, la peur, l'ennui. Rentrés au pays, les soldats s'aperçoivent que la guerre est rentrée avec eux. Elle loge dans leur crâne, sous leurs ongles, dans leur peau. Ils se croyaient aguerris. Ils sont devenus incurables. C'est cette maladie qui ronge l'âme et le corps des hommes sous l'uniforme qui résonne dans ce cœur de voix. Un bar, deux hommes. Le bar, quelque part aux États-Unis. Les hommes, des vétérans de la guerre en Irak. Écoutons-les. Nous sommes assis à une table dans un coin de bar quasi désert, avec vue sur l'entrée. James fait une grimace. Difficile de dire ce qu'elle signifie. Il y a tellement de tissus cicatriciels et de peaux ridées que je ne sais jamais s'il est heureux ou triste ou en rogne ou autre chose encore. Il n'a plus de cheveux et plus d'oreilles non plus. Et même si ça fait déjà 3 ans qu'il a été blessé, j'ai toujours le sentiment que sa tête est quelque chose que je ne devrais pas regarder avec insistance. Mais quand on parle à un homme, on le regarde dans les yeux, alors avec Jenks, je force mon regard à rester fixé sur le sien. Je suis fatigué de raconter des histoires de guerre. Moi, je raconte pas d'histoires de guerre. Ouais, mais va bien falloir que tu le fasses quand Sarah et Jesse seront là. Regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Pas grand-chose. L'histoire de Jenks est assez évidente. Et ça, c'est une autre chose bizarre. Parce que fondamentalement, Jenks, c'était moi avant. On a la même taille, on a grandi dans le même genre de banlieue merdique, on s'est engagé dans le corps des Marines en même temps, et on avait fait le même projet de venir vivre à New York quand on quitterait l'armée. Tout le monde disait toujours qu'on aurait pu être des frères. Quelque part dans la province de Ninive, en Irak, pendant la guerre, côté américain. Le colonel fit un geste en direction du lieutenant, bras tendu et main ouverte. Lieutenant, ils sont à vous. Merci, mon colonel. Bien. Ce soir, nous serons à 50% de sécurité. Nous allons quitter notre position avant le lever du jour, traverser le terrain à découvert qui est juste là, tant que l'obscurité nous protège encore. Quelques-uns jetèrent un œil par-dessus leurs épaules en direction de l'étendue aride qui se trouvait entre notre position et la ville elle-même. Il faisait bien trop noir pour y voir quoi que ce fût. Mais les images des corps étaient gravées dans la nuit. La puanteur de la mort se détachait nettement des autres odeurs qui nous parvenaient d'Al-Tafar. Les feux d'ordures, les eaux usées, les forts effluves d'agneaux séchés, la rivière. Au-dessus de tout cela flottait la pestilence de la pourriture des cadavres. Un bref frisson me saisit les épaules. Un rapide tremblement. J'espérais ne pas marcher dans un de ces gâchis glissants. Nous allons nous assurer que la voie est libre et suivrons la route qui contourne la ville en nous servant des bâtiments des faubourgs pour nous couvrir. Lorsque nous atteindrons le verger, nous nous installerons dans ce fossé ici. Il pointa son doigt sur une carte faiblement éclairée par un bâton fluorescent vert. Elle représentait une étroite bande de terre creusée devant des immeubles entassés les uns à côté des autres, à environ 35 mètres des premiers arbres du verger. Des questions ? Et après ? Le lieutenant jeta un coup d'œil timide au colonel, se mordit la lèvre et dit : Ils sont là-bas. On va là-bas. Le silence retomba. Nous paraissions tous être en train de mesurer la distance que nous aurions à parcourir au matin. La route tournerait au coin des bâtiments, ici un muret, là une benne à ordures renversée que nous pourrions utiliser pour nous couvrir. Les arbres seraient petits et il faudrait se pencher en pénétrant dans le verger pour passer à travers les branches, autrefois chargées de citrons et d'olives. Et ils seraient plantés en rangées bien droites, de sorte que nous pensions avoir une vue dégagée d'un bout à l'autre. Mais le verger était en vérité beaucoup plus étendu que nous le croyons. Nous ne le savions pas alors, car nous n'avions pas encore mis les pieds. Il s'étalait sur des dizaines d'hectares, entre deux champs d'herbes rases qui plongeaient vers la ville. Le sol était parfois plat, parfois pentu, et entièrement planté de vieux arbres fruitiers dont les branches avaient déjà été greffées deux ou trois fois. Bien. Nous allons balancer des obus de mortier dans ce trou à rats pendant 2 heures avant le lever du jour. Ils seront encore en train de déchiqueter ces petits arbres quand vous y arriverez. Alors on compte sur vous, les gars. Le peuple d'Amérique compte sur vous. Vous n'aurez peut-être plus jamais l'occasion de faire quelque chose d'aussi important de toute votre vie. Bien, sergent, prenez la presse. Le colonel héla les deux sergents et les journalistes embarqués qui l'accompagnaient. Et ils s'éloignèrent du mur pour regagner à vive allure l'avant de l'immeuble. Il demanda au caméraman si la prise de vue était bonne, puis nous entendîmes leur véhicule démarrer, et ils n'étaient plus là. Murph s'approcha de moi. Eh ben, dis donc. À quoi ? Tu crois que c'est vraiment la chose la plus importante de notre vie, Bartol ? J'espère que non. Vers la fin de notre mission en Irak, nous en étions à plus d'une centaine de blessés. 16 morts. George Digal avait été le premier. Puis Roger Francis Ford, Johnny Hensworth, Wayne Wallace Bailey, Edgar Ramos, William James Hewitt, Edward Toms, Ed Victor Waits, Freddy Barca, Samuel Willis Sturdy, Sherman Dean Reynolds, Tsaka Fujita, Gerald Martin Forenkamp, Jean-Paul Sepion, Nikolai Levin, et puis celui dont nous pensions qu'il serait le dernier, Jeffrey Steven Lopinto. Pendant le vol du retour, je n'arrêtais pas de passer leur nom en revue. Une sorte de prière pour les morts. Puis, ce fut l'atterrissage, suivi de toutes les formalités. Je regardais les Marines serrer contre eux leurs parents, embrasser leurs femmes ou leurs petites amies, prendre leurs enfants dans les bras. Je me demandais ce qu'ils allaient leur dire. Combien de choses seraient dites? Combien ne pourraient jamais être racontées? Ma principale tâche aux États-Unis consistait à organiser la cérémonie à la mémoire des 16 soldats morts. Je me démenais pour écrire quelque chose de satisfaisant à dire. Comment exprimer ce que signifiaient ces morts? Je ne savais pas moi-même. Pour finir, cédant à l'épuisement, j'écrivis un petit texte insipide et inoffensif, rempli de platitudes. La radio crépitait à nouveau faiblement. Le vent se leva, et nous nous tournâmes vers les feux dans les collines. Le lieutenant avait l'air effrayé, fatigué, et du bout de deux de ses doigts, il frotta une petite marque sur son visage. J'oublie toujours qu'il n'avait que quelques années de plus que nous. Je ne pris jamais la peine de le lui demander. Il paraissait plus vieux pourtant, comme Sterling, et se comportait en conséquence. Ou peut-être lui octroyons-nous des années supplémentaires parce qu'il avait fait des trucs que nous n'avions pas faits. Il s'était saoulé à des fêtes de fac, avec des filles suffisamment délurées pour le suivre dans une chambre, juste parce qu'elles avaient parié avec des copines. Il avait conduit une voiture neuve. Combien de fois on a traversé ce verger et cette ville, lieutenant ? L'armée, tu veux dire ? Oui, lieutenant. Ça fera 3 fois, en comptant demain matin. Toujours à l'automne ? Oui. On dirait bien qu'on doit se battre pour cette ville, tous les ans. Eh ben, ça va peut-être devenir un putain de truc annuel. Mais Je songeais à la guerre de mon grand-père. Au fait qu'ils avaient des destinations et des buts à l'époque. Nous, le lendemain, nous marcherions sous un soleil qui se lèverait à peine à l'est au-dessus des plaines pour retourner dans cette ville qui avait déjà livré bataille. Une lente et sanglante parade automnale qui marquerait le changement de saison. Nous les chasserions, comme nous l'avions toujours fait. Nous les tuerions. Ils nous tireraient dessus. Certains d'entre nous perdraient leurs membres. Ils fuiraient en courant à travers les collines et les ouèdes pour se réfugier dans les ruelles poussiéreuses de leur village. Et ils reviendraient. Et nous recommencerions depuis le début en les saluant tandis qu'ils s'adosseraient aux lampadaires, se tiendraient sous des auvents en verre en buvant du thé devant la devanture de leur boutique. Nous patrouillerions dans les rues et lancerions des bonbons aux enfants qu'il nous faudrait combattre quelques années plus tard. Sterling surgit de l'aubépine derrière laquelle il avait nettoyé et chargé ses armes et scotché toutes les parties lâches de son équipement afin de ne pas faire de bruit. Hey, Murph. Murph, lise un peu ma tenue. Il n'y a rien qui bouge. Ah, c'est nickel. Bartel ? Oui, matériel technique. Vas-y, Murph. Secoue-moi ça pour voir. Vas-y. C'est bien. À toi, Bartel. Comme ça ? C'est bon, chef ? C'est bon, c'est bon. Sergent, vous pensez qu'on va devoir se battre ici tous les ans ? Putain. Ouais, soldat. J'étais déjà la première fois. D'ici quelques années, il faudra carrément acheter sa place pour y assister. Mais t'inquiète pas. On va faire ça bien demain, d'accord ? Tu me suis, c'est tout. Tu fais ce que je dis, et on sera de retour à la base avant que t'aies le temps de dire ouf. D'accord, sergent. Ouais. Allez. On vous suivra jusqu'au bout. Au cours des mois et des années qui suivirent, il y eut d'autres morts. Un accident de voiture. Un marine impliqué dans une bagarre pendant une permission fut tué à coups de couteau. D'autres commirent des crimes ou tombèrent dans la drogue. Le premier suicide fut celui d'Eden Russo. Il se tua avec son arme de poing personnelle pendant une permission. Puis ce fut l'ancien chef du groupe de Rodriguez qui se suicida, le sergent Di Toro. Il se donna la mort à peu près à la même époque où le lieutenant-colonel Fer eut sa promotion et fut nommé à la tête d'un régiment. Nous nous réveillâmes le lendemain matin au sifflement des obus de mortier qui passaient en arc de cercle au-dessus de nos têtes pour s'écraser dans le verger. Il faisait encore nuit. Le ciel était d'un noir charbon. Ce qui m'arrivait toujours avant un combat se produisit alors. Un sentiment que je n'avais jamais éprouvé avant d'arriver dans le fin fond du désert pour me battre s'empara de moi. Chaque fois que j'avais cette sensation, je cherchais quelque chose qui m'aiderait à comprendre le nœud que j'avais dans l'estomac, qui m'aiderait à apaiser les tremblements gagnant mes cuisses et engourdissant mes doigts moites. Murph parvint presque à décrire ce sentiment une fois. Un journaliste nous avait demandé ce que ça faisait de se battre. Il portait une tenue kaki avec des poches et des lunettes d'aviateur, au verre réfléchissant qui éblouissait à 100 mètres de distance. Nous détestions l'avoir dans nos pattes, mais on nous avait donné l'ordre de faire avec. Il s'approcha de notre petit groupe, tandis que nous nous reposions à l'ombre d'un grand arbre. Hey, salut les gars. Ça va ? C'était chaud hier, hein ? Allez, racontez-moi comment c'est vraiment. Je veux savoir quel genre d'adrénaline pousse ta pipe pour santé. Tu veux savoir ce qu'on sent ? Ouais, tu veux savoir ce qu'on sent ? Ah bah, je vais t'expliquer. C'est comme un accident de voiture, tu comprends ? Hein? Non, tu comprends rien. Cet instant entre le moment où tu sais ce qui va se passer et l'impact lui-même. On sent assez impuissant, tu vois, hein? Tu vois, tu roules comme d'habitude, et tout à coup, là, c'est devant toi. Ouais, et t'as absolument aucun pouvoir, et tu le sais. Hein? La mort, tu vois, ou autre chose, c'est ça qui t'attend. Hein? Bah voilà, c'est un peu ça. Hein, comme ce quart de seconde dans un accident de voiture, sauf qu'ici, bah, ça peut carrément durer des jours, quoi. Ouais, d'accord. Mais attends, mais pourquoi tu viens pas avec nous? Pour te mettre en première ligne, comme ça tu pourras voir. J'arrive, j'ai un article à finir. Sur ce, le journaliste s'éclipsa. Quelque chose dans notre façon de rire lui fit bredouiller trois mots et prendre ses clics et ses claques. Murph avait raison à propos de ce sentiment. Et chaque fois, mon corps me disait qu'il n'allait pas tenir. Mais puisque cela perdurait, j'avais décidé de l'ignorer. Hé, à partir de maintenant, les gars, attention aux lumières. J'étais heureux de ne pas être en première ligne. Ok, on y va. De ne pas être celui qui balancerait sa jambe par-dessus le muret, séparant notre position du champ à découvert pour se diriger vers les formes grises de la ville. Sterling attrapa une petite boîte dans son sac à dos. Nous l'attendions pour que notre brigade se mette en branle à son tour. Il y avait l'image d'une fille avec un parapluie sur le couvercle. C'était du sel. Il ouvrit la boîte et commença à la secouer au-dessus du sol sous l'aubépine. Je tournai les yeux vers Murph. Il me rendit mon regard interrogateur. Et nous nous approchâmes de Sterling. Sergent, ça va ? Pourquoi vous balancez du sel partout comme ça, Sergent? C'est dans le livre des juges, dit-il sans vraiment nous remarquer. Puis, il leva les yeux et parut regarder à travers nous jusqu'au bout de la nuit qui, quelque part à l'horizon, s'apprêtait à donner naissance au jour. Allez, bougez-vous les gars, c'est juste un truc comme ça. Nous nous exécutâmes. Derrière nous, Sterling marchait à peine visible au loin, répandant du sel dans les champs et les ruelles, sur les cadavres et la poussière qui semblait tout recouvrir à Al-Tafa. Il en mettait partout où il allait, tout en chantant ou en murmurant d'une voix que nous n'avions jamais entendue avant. Une voix agréable, aimable. Pourtant, même si nous ne parvenions pas à comprendre ce qu'elle disait, elle nous terrifia. Je crois bien qu'il perd les pédales, Bart. Ouais, eh ben, tu vas aller lui dire? Oh putain, non. Mais qu'est-ce qu'il a, ce con? Je sais pas. Les obus de mortier continuaient de tomber. Plusieurs fois par minute, nous sursautions au bruit des détonations aussi assourdissantes que des timbales qui retentissaient dans le verger. De petits feux brûlaient. La fumée s'élevait entre les feuilles lacérées. Au point du jour, Murph dit... Je vais voir où on est, Sterling. Il souleva son fusil pour utiliser la loupe de son viseur et observer derrière nous. Alors ? Il y eut un bref éclair de lumière tandis que les premiers rayons léchaient les contreforts des collines à l'est et glissaient sur les toits et les façades ternes des immeubles. Je regardais en arrière et mis ma main en visière pour essayer de voir clair. Sterling était à peine visible dans la pénombre qui se dissipait. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? La silhouette au loin restait immobile. N'avait-il plus de sel à répandre sur cette petite bande des faubourgs d'Al-Tafa ? Nous étions très proches du verger, et mes jambes tremblaient encore de peur. Murph, tu vois quelque chose ? Qu'est-ce qu'il fait ? Murph baissa son fusil. Sa bouche était ouverte. Il la ferma, puis parla. Je sais pas, mec. Il porte un putain de corps. Quoi ? Murph tourna vers moi des yeux écarquillés. Il sourit plus du tout. J'étais en face de Jenks. Maintenant, le regarder, c'est comme regarder ce que j'aurais été si c'était mon véhicule qui avait roulé sur cette plaque de pression. Jenks, c'est moi, mais en moins chanceux. Au moins, toi, ça te permet de t'envoyer en l'air. Quoi donc ? Raconter des histoires de guerre. Ah, ouais. Non, je sais pas, ça dépend. Ça dépend ? De quoi ? circonstances. Tu te souviens de cette petite réunion qu'on avait eue, avec tous les gars du bataillon du génie? Ah, tu parles, bien sûr. À nous entendre, on aurait cru qu'on était des enfoirés de la Delta Force. Un mélange de ninjas et de Jedi. Et les filles avaient tout gobé. Ouais, on s'était bien débrouillés. Pour une bande de Marines débiles essayant de draguer des filles de la grande ville. Jenks me regarde. Le seul endroit où sa peau a l'air à moitié normale, c'est tout autour de ses yeux. Les yeux eux-mêmes sont bleu pâle. Avant la blessure, ils ne m'avaient jamais vraiment frappé. Mais maintenant, ils ont gagné une sorte d'intensité, en contrastant avec le rose de porc bouilli, bien lisse, de la peau greffée. Évidemment, ces conneries ont marché seulement parce que j'étais là. Ça, c'est vrai. Qui va oser dire que c'est des conneries alors que t'es assis là, dans le coin, avec ta tête qui semble sortie tout droit des griffes de la nuit? Heureux de pouvoir aider. Ah, ça aide vraiment. Je veux dire, t'es dit à une nana, ouais, je suis allé à la guerre, mais j'ai jamais tiré un coup de feu. Ouais, ou alors, j'ai passé presque tout le temps de ma mission à paver des routes, ou à fixer des plaques de blindage, ou à réparer des nids de poules. Tout à fait. Même les nanas qui sont contre la guerre. Et dans cette ville, elles le sont toutes. Elles ont envie de t'entendre dire que t'as connu des horreurs. Tiens, regarde ma gueule. En voilà de l'horreur. Exactement. Y a rien à ajouter. Tout de suite, elles imaginent des tas de trucs. La chute du Faucon Noir. Des mineurs. Ouais, ou comme t'as dit, les griffes de la nuit. Tu te souviens comment c'était quand on est entré dans un bar en uniforme de cérémonie? Oh putain, mec, ouais, les petites culottes tombaient toutes seules. Même si tu te payes une sale gueule. Y a une limite quand même. Moi j'en ai marre des nanas qui prennent leur pied avec ça. Avec quoi? La guerre? Je sais pas, il y a une fille qui s'est mise à pleurer quand je lui ai raconté des horreurs. Quel sujet? Je sais pas, des conneries. Ah, sur moi? Ouais, sur toi, enfoiré. C'était La guerre dans la peau, en direct du studio 110 de la Maison de la Radio. Texte choisi par Michel Pomared. Extrait de Yellow Birds de Kevin Powers et de Fin de mission de Phil Clay. Avec Quentin Bayot, Aymeric Le Serre, Hervé Furic, Mathieu Rochevarger, Christophe Vandevelde, Florent Schepp, Laurent Lederer, Florent Houlier, Benoît Marchand, Pauline Ziadé et Maya Bokeh. Musique originale et conception sonore, Dominique Massa. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine, Mathieu Nombeau-Poati. Assistant à la réalisation, Louise Loubrieux, Lélio Ploton. Réalisation, Pascal Deux. Les textes sont extraits de Yellow Birds de Kevin Powers, traduits par Emmanuel et Philippe Aronzon, publiés aux éditions Stock, et de Fin de mission de Phil Clay, traduit par François Happ, publié aux éditions Gellmeister. Vous pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur le site fiction.franceculture.fr.